Dans un vieux train. Pas dans le TGV, non. Ni dans le turbo-train, ni même dans un train corail. Mais dans un de ces vieux trains kaki qui sentent les années 60. On s'attendait à l'asepsie fonctionnelle d'un wagon tout en longueur, à l'ouverture automatique d'une porte coulissante, mais sur cette ligne familière, c'est bien un vieux train d'autrefois qu'on a remis en service ce jour-là. Pourquoi ? On ne le saura pas. On avance dans le couloir. Le premier geste qui change tout, c'est de tirer la porte du compartiment. Dans une bouffée de chaleur électrique et molle, on accède par effraction à une intimité plus ou moins vautrée, plus ou moins distante. On vous toise de bas en haut. Foin de l'anonymat des wagons monolithiques, ne pas saluer, ne pas s'enquérir de la possibilité de prendre place relèverait de la barbarie. Il y faut même une sorte d'inquiétude chagrine qui fait partie du rite, c'est le sésame. Ayant requis l'honneur de s'intégrer au salon familial, on y est accepté par un assentiment qui tient du borborygme. Dès lors, on peut se caler coin couloir et déplier les jambes. Le regard de chaque passager obéit à une petite gymnastique instinctive et complexe. Pose possible sur le sol noir caoutchouté entre les pieds des occupants. Pose prolongée, bienvenue, juste au-dessus des visages. Les positions intermédiaires, les plus intéressantes pourtant, sont à effectuer furtivement. Mais nul n'est dupe. L'acuité de l'œil dément alors la pudeur de sa course. Une échappée vers le paysage semble de bon aloi, avec étape sur les cendriers plombés gravés SNCF. Mais c'est en haut, près du miroir clouté, que l'œil revient se poser à son aise. Dans un petit cadre métallique, le cliché noir et blanc de Moustier Sainte-Marie, Hautes-Alpes, ne suscite pourtant aucun désir d'évasion. Il éveille davantage une vie ancienne, propre aux usages compartimentaux, aux casse-croûtes. On y respire presque une odeur de saucisson coupée à l'opinel, on y pressent le déploiement de la serviette à carreaux rouges. On se replonge dans l'époque où le voyage était événement, où l'on vous attendait sur le quai de la gare avec des questions protocolaires. Non, j'étais bien. Coin couloir, un jeune couple, deux militaires, un vieux monsieur qui est descendu aux Aubrais.